Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes ce matin, en cette nouvelle semaine qui commence, nous entamons le dernier chapitre des Actes des Apôtres, et ça va nous avoir pris presque 3 mois pour faire l'étude, et j'espère que vous avez été enrichis comme j'ai été enrichi. Nous allons continuer ce matin notre dernière étude sur ce qu'on a appelé le plan de Dieu. Et ce matin, nous allons voir le plan de Dieu s'accomplir. Notre Père du ciel, nous te remercions que, à cause de toi, nous avons la conviction profonde que nous ne sommes pas ballottés par ce qui passe dans le monde. Nous ne sommes pas les fruits du hasard. Nous ne sommes pas les fruits d'un Big Bang perpétuel, mais nous sommes les fruits d'un Dieu intelligent, sage, souverain, un Dieu qui planifie, un Dieu qui détermine, un Dieu qui a des arrêts, un Dieu qui a des plans pour l'humanité et pour chaque individu dans cette humanité. Tu avais un plan pour ton Église. Et nous allons voir ce matin que ce que tu planifies s'accomplit. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous donnes une foi toujours de plus en plus grande face à cela. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Depuis 6 chapitres maintenant, nous avons vu Paul recevoir une promesse de Dieu qu'il irait à Rome pour rendre témoignage devant César. Et on a vu qu'il y a toutes sortes de choses qui s'est déchaînées autour d'eux. Par le mot « eux », je veux dire Paul et ceux qui l'accompagnaient. On aurait pu croire que toutes ces choses étaient le fruit d'une force quelconque, de la nature. On pourrait penser que c'est le diable derrière tout cela, mais on a vu ensemble que c'était Dieu, lié par l'Esprit, qui est monté à Jérusalem. Et on a vu Dieu conduire la vie de Paul de différentes façons, de différentes manières. Paul a dit: grâce au secours de Dieu, je me suis rendu jusqu'à Rome. Paul ne s'est pas rendu à Rome parce qu'il était un bon chrétien. Paul ne s'est pas rendu à Rome parce qu'il avait un grand désir d'y aller. Malgré je crois qu'il désirait y aller. Paul ne s'est pas rendu à Rome parce que priait. Paul s'est rendu à Rome parce que c'était le plan de Dieu. Des fois, nous, on aimerait que le plan de Dieu s'accomplisse dans nos vies, doucement, sans anicroche, sans difficulté. Mais son plan s'accomplit des fois, sans difficulté, des fois, sans douleur, mais d'autres fois, avec difficulté, avec douleur. C'est lui le maître, c'est lui le chef de notre destin. Et ce matin, nous allons voir Paul qui va finalement arriver jusqu'à Rome. Mais il va faire une étape avant sur l'île, où il a échoué. On se souvient que dans la tempête, Dieu avait promis qu'il ne mourrait personne sur le bateau, mais qu'il échouerait sur une île. Et ce matin, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer sur cette île-là. Chapitre 28, verset 1. Une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tout auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres, Assurément, cet homme est un meurtrier, parce que la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et il ne ressentit aucun mal. Saint Jean s'attendait à le voir enflé et tombé, mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius. Il nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade, de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Et on nous rendit de grands honneurs à notre départ et nous fournit les choses dont nous avions besoin. C'est ce qui se passe sur l'île de Malte. Donc, Paul va recevoir, va se faire dire que c'est un meurtrier. Quelques lignes après, c'est un dieu. Voyez-vous comment est-ce que les hommes fonctionnent? Les hommes fonctionnent de même. Ça va mal, c'est ta faute, tu es un meurtrier. Certainement, c'est à cause que tu as fait de quoi dans ton passé. Et ça va bien? Ah! Non, et ce gars-là, ça doit être un dieu. C'est notre façon de penser dans ce monde. Mais ça fait assez longtemps qu'on suit Paul maintenant pour savoir que Paul n'est pas un dieu, mais Paul a un dieu dans sa vie qui a un plan pour la vie de Paul. Et son plan, c'est de se rendre à Rome. Le plan que Dieu a dit à Paul, c'est pas qu'il va mourir sur une île, mais qu'il va se rendre à Rome et rendre témoignage. Donc, la mer ne l'a pas fait mourir, les serpents qui le piquent ne le font pas mourir, mais Dieu se sert de ces événements-là qui amènent dans la vie de Paul pour donner de la crédibilité à Paul. Ces gens-là, maintenant que Paul a survécu à la mer et survécu à la morsure de cette vipère qui était venimeuse et qui donnait la mort instantanément ou presque, il gagne une grande crédibilité. Et ça va lui donner beaucoup d'autorité pour parler. Je suis convaincu que Paul, pendant ces 3 mois-là, a parlé du Seigneur. Et là, un peu après, Paul va se rendre dans la maison du chef de l'île, Publius. Il va guérir le père de Publius, et il va ainsi aussi guérir tous ceux qui sont malades sur l'île. Et ce fut un moment d'une grande, je pourrais dire, un grand ministère de Paul à ce moment-là. À un tel point que quand il est prêt pour partir, on lui a fait de grands honneurs et on lui a donné tout ce qu'il avait besoin pour le continuer son voyage. Frère, il faut arrêter de penser comme quand on était païen. Quand ça va mal à nos yeux, on prie pour s'en sortir. Quand ça va bien, on bénit Dieu. Il faut voir Dieu au contrôle de tout ce qui se passe dans nos vies. Et finir par comprendre et appliquer chaque jour de notre vie. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que Dieu veut qui arrive dans notre vie va arriver. Il n'y a rien qui n'est pas au contrôle de Dieu. Nous sommes sous le contrôle de Dieu. Les inconvertis sont sous le contrôle de Dieu. Les animaux sont sous le contrôle de Dieu. La température est sous le contrôle de Dieu. Et Dieu ne laissera jamais arriver dans nos vies des choses qui vont nous frapper par hasard et qui vont contredire le plan de Dieu pour nos vies. Dieu veut ces choses ou Dieu se sert de ces choses? Comme il le veut pour accomplir son plan. Il va même utiliser le mal. Il ne veut pas le mal. Il ne demande pas qu'on fasse le mal, loin de là. Mais on le voit qu'il utilise le mal. Que l'on fait, que les inconvertis font, et il l'utilise pour sa gloire, pour notre bien-être. On voit à travers cela que les païens, les chefs religieux, les juifs font le mal. Mais Dieu s'en sert pour amener Paul à Rome lorsqu'il le veut. Et que c'est encourageant de voir notre Dieu souverain à un tel point que le mal que l'on fait n'empêchera pas Dieu d'accomplir son plan. L'exemple le plus frappant de cela, c'est le plus grand mal que nous avons fait, c'est de tuer Jésus sur la croix. Dieu a sauvé le monde par un péché que nous avons fait. Nous avons péché en tuant le Messie. Mais Dieu a sauvé le monde par la mort de ce Messie. Ça, c'est le plus bel exemple que je peux vous donner. Et donc, des fois, on fait le mal. Dieu va s'en servir quand même pour accomplir son plan. Des fois, les gens nous font du mal. Les gouvernements font du mal. Mais Dieu s'en sert pour arriver à ses fins et pour être glorifié pour toujours. Donc, Paul va, après 3 mois, va continuer son voyage. Lisons à partir du chapitre 28, verset 11. Après un séjour de 3 mois, nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les 10 oscures ayant bordé à Syracuse. Nous y restâmes 3 jours. De là, en suivant la côte, nous atteignâmes Rigio. Et le vent du midi s'étant levé, le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Poussol, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer ce jour avec eux. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vers à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous, et Paul les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, il permit à Paul de demeurer dans son domicile particulier avec un soldat qui le gardait. On pourrait dire, enfin à Rome. Ce que Dieu avait planifié s'est accompli. Paul, rendu là, au verset 15, dit, « Il rendit grâce à Dieu. » Quand on rend grâce à Dieu, c'est parce que ça ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui a fait le travail. Dieu l'a emmené à Rome malgré la méchanceté des Juifs, l'incapacité des chefs romains, leur hypocrisie, leur désir d'argent, leur désir d'être populaire, malgré les tempêtes, les serpents, malgré les doutes que lui-même a eus. Le plan de Dieu s'est accompli. nous ne sommes pas assez forts pour contrer le plan de Dieu. Si nous étions assez forts pour contrer le plan de Dieu par le mal, Dieu ne serait plus Dieu. Dieu ne pourrait pas accomplir ce qu'il veut accomplir. Paul arrive là où ce que Dieu le voulait, et il va avoir un ministère à Rome pendant quelques années. Et Dieu, dans sa grâce, permet que Paul soit gardé à Rome. Il n'est pas vraiment en prison. On lui donne un logement. Et là, on lui permet de recevoir les gens qu'il veut. Et je me suis dit, en même temps, Dieu, dans son infinie sagesse, lui donne un garde du corps. Et les Juifs ne pourront pas y toucher parce qu'il est gardé par les Romains. Et là, on va voir demain qu'il va pouvoir proclamer l'Évangile comme il le veut. Frères et sœurs, n'oubliez jamais cela. N'oublions cela, pas cela. Dieu a un plan pour votre vie. Dieu sait à quelle heure vous allez partir de ce monde. Et Dieu a des œuvres pour vous que vous puissiez les accomplir. Et nous allons les accomplir. Et ces œuvres-là ont un but bien précis. Le salut des élus. Afin que Dieu soit glorifié pour l'éternité. Je suis certain que Théophile, quand il regarde l'ensemble des actes des apôtres, il voit un Dieu au-dessus des hommes, souverain sur l'histoire des hommes. Il voit ce Dieu qui utilise des hommes pour accomplir son plan. Des hommes limités, des hommes faibles, des hommes pécheurs. Mais il accomplit son plan. Et je suis convaincu que Théophile, s'il ne s'est pas converti, va être obligé de dire, ben, je sais pas comment expliquer qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a des choses qu'on comprend pas dans ce que ces hommes-là font. Mais s'il se convertit, il va faire comme nous, donner gloire à Dieu, et dire, l'Église, c'est pas l'affaire des hommes, c'est l'affaire de Dieu. C'est pas les hommes qui bâtissent l'Église. C'est Dieu qui bâtit son Église par le Saint-Esprit qui fait habiter dans ses enfants. Et c'est pour ça que nous lui donnons toute la gloire. Notre Père du ciel, merci qu'à travers l'histoire de Paul, nous voyons à quel point tu es un Dieu de parole, un Dieu qui fait ce qu'il dit, qui fait ce qu'il a promis, qui accomplit toujours ses plans. Ça nous donne paix, sécurité dans ce que nous vivons. Ça nous donne d'œuvrer à ton œuvre dans le monde avec ce que nous avons, avec nos capacités, nos dons, nos vies, même avec notre folie de péché. On sait que ton plan va s'accomplir. Et je suis convaincu que nous allons dire à la fin de notre vie, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et pour les journées qui s'accomplissent autour de nous, pour ce qui s'est accompli la semaine passée, ce qui va s'accomplir cette semaine, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous allons voir ton plan se dérouler devant nous. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.